بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue aujourd'hui, c'est le cours 35 dans l'explication de la aqidah de l'imam al-Sabouni rahimahullah, aqidah al-Salaf wa ashab al-Hadith, avec les explications de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. On était en train d'expliquer au dernier cours la partie de la aqidah où le cheikh il mentionne les narrations qui sont reliées au fait que Allah Azza wa Jal, il descend au dernier tiers de la nuit, au dernier des cieux, et il demande à ceux qui veulent demander pardon, ceux qui veulent demander quelque chose pour que Allah Azza wa Jal les exauce, et ainsi de suite. Et donc il rapporte les narrations à ce sujet. Donc le cheikh, Cheikh Rabi' hafidhahullah, il n'a pas fait de commentaire ici. Il n'a que mentionné le texte lui-même. Et étant donné qu'on a déjà expliqué, on a donné des détails sur les significations de ces narrations-là. Donc, Cheikh, il ne donne pas plus de commentaires que ça, puisqu'il a déjà expliqué. Donc, on va continuer dans l'explication, dans la lecture des textes. Il dit ensuite... أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد الصيدلاني حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا أحمد بن صالح المصري حدثنا ابن وهب أنبأنا مخرمة ابن بكير عن أبيه وأخبرنا الحاكم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا محمد بن المنقذ حدثنا ابن وهب عن مكرمة عن مخرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت محمد ابن المنكدر أو المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا قالوا وأي يوم ذلك Donc, dans cette narration qui est rapportée selon Umm Salama, radiyallahu anha, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants, elle dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, elle a entendu ça du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, comme il est bon ce jour, le jour dans lequel Allah, azza wa jal, descend au ciel de la dunya. Ils ont dit, et quel jour est-ce cela? Et elle a répondu, le jour de Arafah. Donc le jour de Arafah aussi, ça fait partie des jours dans lesquels Allah Azza wa Jal, il descend. Et il dit, wa warat Aisha radiyallahu anha, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal yanzilu Allah ta'ala fi nisfi min sha'ban ila samaa ad-dunya. ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا Donc ici, dans cette narration qui est rapportée selon Aïcha, radiallahu anha, qui explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend la nuit, il dit dans la moitié de Sha'ban au ciel de la dunya, la nuit vers la fin du jour, du lendemain, et il libère de l'enfer selon le nombre des poils des animaux de la tribu de Kalb, et il écrit également ceux qui ont accompli le Hajj, et il fait descendre également la subsistance de l'année, et il ne laisse personne excepté qu'il le pardonne sauf un mushrik ou quelqu'un qui a coupé les liens de parenté, ou une personne qui est mauvais envers ses parents. Et le dernier terme qu'il a mentionné, Mushahinan, Je ne suis pas sûr de cette signification, mon cher Hinan. Ala kulli hal, je ne sais pas si cette narration-là est authentique, parce que beaucoup de choses sont rapportées à propos de la nuit, justement, du milieu de Sha'ban, et on sait que toutes ces narrations-là sont faibles. Il n'y a pas de mérite, hein, rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour yani donner un intérêt spécifique à la nuit du milieu du mois de Sha'ban. Et comme on vient de rentrer dans le milieu du comme on vient de rentrer dans le mois de Sha'ban, justement, c'est important de le mentionner. Parce qu'il y a des gens de Bid'a qui célèbrent cette nuit-là, et ils se basent souvent sur des hadiths qui sont faibles, justement. Ensuite, le cheikh, il a rapporté une autre narration. Et avec la longue chaîne de transmission qu'il a mentionnée, avec beaucoup de différentes voix pour cette narration-là. Donc, à la fin, il est rapporté selon Rifa'a ibn Araba al-Juhani. Qala sadarna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min Makkah. فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجر الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر فلا يرى من القوم إلا باكيا قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو أن لا تدخلوها وإني أرجو أن لا تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح وهذا لفظ حديث الوليد. Donc ça c'est une autre narration, et avant la parce que à la fin il mentionne justement que Allah Azza wa Jal il descend à la fin de la nuit, il a dit soit à la moitié ou au tiers ou après les deux tiers de la nuit. Et il descend au ciel de la dunya, puis il demande lequel de mes serviteurs me demande, hein, qui ne demande à personne d'autre que moi. S'il me demande, je vais lui donner. S'il m'invoque, je vais l'exaucer. Et s'il me demande pardon, je vais lui pardonner. Et il continue à demander ainsi jusqu'à ce que l'aube se lève. Donc ça, c'est la partie du hadith qui correspond justement à cet aspect de qu'est-ce que l'imam Sabouni a voulu justement établir comme principe. Il dit, وقال شيخ الإسلام قلت لما صح خبر النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبل الخبر وأثبت النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقد تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحث عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال وعلموا وعرفوا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كثيرا. Donc le cheikh il dit ici, et lorsque toutes ces narrations au sujet de la descente de notre Seigneur a été rapportée de façon authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de la sunna ont affirmé et déclaré cette croyance. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et ils ont accepté les narrations à ce sujet. Et ils ont affirmé la descente d'Allah azza wa jal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Et ils n'ont cru en aucune forme de ressemblance dans la descente du Créateur avec les créatures. Il n'y a aucune ressemblance entre la descente d'Allah et la descente des créatures. Ils n'ont pas cherché non plus à savoir le comment de la descente d'Allah Azza wa Jal, puisqu'il n'y a aucun moyen de connaître cela. Et ils ont su et ils ont confirmé, ils ont cru sincèrement et fermement en tous les attributs d'Allah Azza wa, en tous les attributs d'Allah Azza wa Jal, et que ces attributs d'Allah ne ressemblent pas aux attributs des créatures, de la même manière que son être ne ressemble pas à l'être des créatures, et que Allah Azza wa Jal soit exalté de ce que disent les mushabbiha. Mushabbiha, c'est ceux qui font ressembler Allah à sa création. Et al-mu'attila, les mu'attila, c'est ceux qui nient les attributs et les noms d'Allah Azza wa Jal. Et donc qu'il soit exalté d'une grande exaltation, et qu'il soit et que ceux qui disent cela parmi les mushabbiha et les mu'attila soient maudits d'une grande malédiction. Et il dit قرأت لأبي عبد الله ابن أبي جعفر البخاري وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة وأبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان ابن عبدان شيخ مأمر ويقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب قال تعالى فإنا وأما الرب تعالى فإنا لا ندري عما عنا بذلك ولا ندري كيفية مجيئه أو نعم أو نعم كيفية جيئته فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته كيف جيئته ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه أرأيتم من أنكر أن الملائكة لا تجي صفا صفا ما هو عندكم قالوا هو كافر مكذب قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجي فهو كافر مكذب وقال أبو عبد الله ابن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي إنا لا نؤمن برب يزول عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. Donc ici c'est deux narrations de la part des salafs qui mentionnent justement un échange qu'il y a eu à propos des attributs d'Allah Azza wa Jal à leur époque. Et Hamad ibn Abi Hanifa, il dit, nous avons demandé à ces gens, avez-vous vu la parole d'Allah Azza wa Jal quand il dit, et votre Seigneur viendra ainsi que les anges en rang. Et dans l'autre verset, dans lequel Allah Azzawajal dit, est-ce qu'ils attendent autre que leur Seigneur leur vienne sur des nuées, et ainsi que les anges? Alors, il pose la question, est-ce que notre Seigneur viendra, comme il l'a dit? Est-ce que les anges viendront, hein, en rang? Et ils ont dit, certes, hein, les anges vont venir en rang. Hein, en rang les unes derrière les autres. En ce qui concerne notre Seigneur, eh bien, nous ne savons pas ce qu'il a voulu dire par cela. Et nous ne savons pas comment il va venir. Alors, on leur a dit, hein, Allah ne nous a pas chargé et ne vous a pas chargé de savoir comment il viendra. Mais il vous a chargé de croire en sa venue. Donc, voyez-vous, si quelqu'un renie que les anges vont venir en rang, qu'allez-vous dire qu'est-ce qu'il est selon vous? Celui qui nie que les anges vont venir au jour de la résurrection, rang après rang, qu'est-ce qu'il est pour vous? Ils ont dit, il est kafir, il renie la vérité. Alors, il dit, de la même manière, celui qui nie ça, qui nie que les anges vont venir au jour de la résurrection, rang après rang, eh bien, c'est la même chose que c'est comme s'il avait nié ça. Hein. Donc, celui qui a nié que Allah Azzawajal vient au jour de la résurrection, c'est comme s'il avait nié que les anges vont venir. Et donc, il est kafir mukazzib. C'est un mécréant, il a renié la vérité. Parce que Allah, il nous a dit qu'il vient, donc ça veut dire qu'il faut croire qu'il va venir. Comment il va venir? Allahu a'lam. C'est Allah qui sait comment il va venir. On ne sait pas, nous. Mais on affirme qu'est-ce qu'il a dit, c'est tout. Et on ne demande pas le comment. Et on ne cherche pas à imaginer non plus. Et ensuite, il a dit, وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِبْنُ أَبِي حَفْصٍ الْبُخَارِي. Il a dit dans son livre, il a mentionné Ibrahim ibn al-Ash'ath, qu'il a dit, j'ai entendu Fudayl ibn Iyad, qui a dit, si un Jahmi, c'est-à-dire quelqu'un de la secte des Jahmiyyah, il vient vers toi puis il te demande, hein, ou bien s'il vient vers toi, il te dit, on ne croit pas en un Seigneur qui change de place ou qui bouge de sa place. Hein? Le Jahmi, il vient et quand tu lui dis, Waja'a Rabbuka wal Malaku Safan Safa, ton Seigneur vient, ou bien le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, le Seigneur, il descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit. Tu lui dis ce hadith. Le Jahmi, lui, il répond, il dit, moi, je ne crois pas à un Seigneur qui bouge de place ou qui change de place. Et Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il a dit, alors dis-lui à ce Jahmi, et moi, je crois en un Seigneur qui fait ce qu'il veut. Je crois en un Seigneur qui fait ce qu'il veut. Donc ça veut dire, ça c'est une preuve. Qu'est-ce qu'il va dire? Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, fa'alul lima yurid. Il fait ce qu'il veut. Donc toi tu veux quoi? Tu veux dire à Allah qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Hein? Ça c'est une personne effrontée qui agit comme ça. Même à un être humain, hein? Tu peux pas dire ça. Hein? Tu peux pas dire à ton père, non papa, tu peux pas faire ça. Ton père, tu peux pas lui dire ça. Ton patron, tu ne peux pas lui dire ça. Hein? Un policier dans la rue, tu le vois, tu lui dis, non, tu ne peux pas traverser la rue ici. Il va te dire, hein, pour qui tu te prends? À ton créateur, à ton Seigneur, tu veux lui dire, tu ne peux pas faire ça? Ça, c'est impossible. Hein? Ça, c'est le manque de respect. Donc, si Allah, Azza wa Jal, il dit qu'il fait quelque chose, toi, tu ne peux pas lui dire, non, tu ne le fais pas. Ou nier qu'est-ce qu'il a dit. Ça, c'est du kufr. Hein? C'est pour ça que c'est dangereux. Ce genre de bid'a. Surtout quand tu sais que les gens qui ont amené cette idéologie-là, ils se sont basés sur les philosophes. Et qu'est-ce que les Grecs ont dit? Et qu'est-ce que Aristote a dit? Ou qu'est-ce que Platon a dit? Et ils prennent le Coran, puis ils interprètent le Coran selon ces philosophes. Alors, philosophe un tel a dit que ça, c'est pas logique de dire ça. Ou que c'est pas logique d'affirmer telle chose à propos d'Allah. Donc, il faut se baser sur qu'est-ce que un tel a dit, Platon, qu'est-ce qu'il a dit? Aristote, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça la logique. Hein? Et tu vas donc eux ils vont se baser sur ça et ils rejettent le Coran, ils rejettent la Sunna. A'oudhou billah. Ça c'est de l'égarement évident. Donc on a fini cette portion là, maintenant on arrive à une autre portion. Il dit mawqif as-salaf min hadhihi al-akhbar. C'est-à-dire la position des salafs par rapport à ces narrations là qu'on a mentionnées. Donc il dit le cheikh وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر فقال رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث فغضب وجاء وحرد قال ما أشبهك بصبيغ ما وما أحوجك إلى مثل ما فعل به ويلك ومن يدري كيف هذا ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم وإن لم تفعلوا هلكتم وقصة الصبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ وما أحوجك إلى ما فعل به إلى مثل ما فعل به هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذاريات ذروة قال هي الرياح ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت يقوله ما قلته قال أخبر فأخبرني عن فالحاملات وقرا قال هي الحساب هي السحاب قال هي السحاب قال ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فأخبرني عن المقسمات أمرا قال الملائكة قال ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فأخبرني عن الجاريات يسرا قال هي السفن ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال ثم أمره ثم أمر به فضرب مئة صوت ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به ثم ضربه مئة صوت أخرى ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس فلم يزل كذلك حتى أتى أبو موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا فكتب إلى عمر يخبره فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق خلي بينه وبين مجالسة الناس. Donc on va traduire qu'est-ce qu'on a lu maintenant. Le cheikh il explique que Yazid ibn Harun, il est rapporté que dans son majlis, dans son dars, quand il était assis avec les gens, il discutait et il a mentionné un hadith. Et dans ce hadith, il rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne qu'on va voir notre Seigneur comme on voit la lune dans la nuit de la pleine lune. Hein? Au jour de la résurrection, les croyants vont voir Allah comme on est capable de voir la lune quand il y a une pleine lune. Alors quelqu'un qui était assis dans le majlis, dans le dars, il a dit, oh Abba Khalid, yani, qu'est-ce que ça signifie ce hadith? Alors il s'est fâché, il a dit, comme tu ressembles à Sabir, et comme tu aurais besoin de la même chose que ce que Sabir a reçu hein, comme traitement. Malheur à toi. Hein? Qui sait ce que cela signifie hein? Et il dit, celui qui dépasse cette parole de ce qui est mentionné dans le hadith, ou qui parle à son sujet de lui-même, hein, personne ne va dire à ce sujet-là, excepté, hein, personne ne va dire quoi que ce soit à propos de ça, de lui-même, excepté qu'il s'est, yani, il a prouvé sa faiblesse d'esprit. Et il a, yani, montré la faiblesse de sa religion. Lorsque vous entendez le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, suivez-le. Et n'inventez pas d'innovation. Ne faites pas des bid'ahs. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il dit, parce que si vous le suivez, le hadith, hein, et que vous ne disputez pas à son sujet, vous allez être épargné, vous allez être sauvé. Mais si vous ne le faites pas, vous allez périr. C'est-à-dire, si vous ne le suivez pas, vous allez périr. Pourquoi il s'est fâché ici, Yazid ibn Haroun? Parce que la personne, elle pose des questions à propos des attributs d'Allah, Azza wa Jal, et à propos de ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à propos des informations sur le raïb. Et on n'a pas le droit de rentrer dans le comment ou dans le kayf hein, pour décrire Allah Azza wa Jal. Hein? Ça, ça dépasse la limite même de qu'est-ce qu'on est capable de toute façon d'imaginer ou de comprendre. Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est de se soumettre et d'accepter et de croire et d'affirmer. Maintenant, Sabir ibn Asal, c'est quoi son histoire? On l'a mentionné déjà. Mais yani, c'est jamais mauvais de la répéter. Sabir ibn Asal, ou bien il y en a qui disent aussi Sabir ibn Isl. Sabir ibn Isl, c'est un homme qui yani, avait une maladie. Et sa maladie, c'est quoi? C'est qu'il aimait poser des questions sur des sujets qui sont pas fondamentales. Et il y a des choses plus importantes que ces questions-là à poser sur la religion qui peuvent te faire avancer et te faire profiter beaucoup plus que de demander sur des petites questions de ce genre. Donc Sabir, lui, c'est ça qu'il faisait. Il passait dans la ville, il passait son temps à poser des questions à tout le monde sur des sujets comme ça. Il demandait, qu'est-ce que ça veut dire « al-dhariyati dharwa » Alors il lui a dit, c'est le vent. Omar, il lui a dit, si je ne l'avais pas entendu du prophète, je ne l'aurais pas dit. Il lui a dit, et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Omar, il a dit, c'est les nuages. Hein? Et si je n'avais pas entendu le prophète, je ne l'aurais pas dit. Et il a dit, et qu'est-ce que ça signifie? Alors, il a dit, ce sont les anges. Et si je n'aurais pas entendu le messager, le dire, je ne l'aurais pas dit. Alors il a dit, explique-moi qui sont Faljariyat Yusra. Il a dit, ce sont les bateaux. Hein? Alors il dit, si je n'avais pas entendu le messager d'Allah le dire, je ne l'aurais pas dit. Donc, yani, il lui explique les réponses à ses questions, mais en même temps, il veut lui faire comprendre que si tu veux vraiment apprendre l'islam, si tu veux vraiment apprendre la science, ce n'est pas par ces genres de questions que tu dois commencer. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça à apprendre dans l'islam avant d'apprendre ces définitions-là. D'accord? Et donc, Omar, il a voulu le punir parce qu'il sentait que cette personne, s'il le laisse continuer dans cette voie, il risque de tomber dans une maladie plus grave. Il risque de tomber dans la bid'a. Alors, il l'a fait enfermer, il l'a frappé. Hein? Plusieurs fois, il l'a frappé pendant plusieurs jours. Et il a ordonné à Abu Moussa al-Ash'ari de le garder enfermé jusqu'à ce que il remarque qu'il est guéri. Et il a dit, tu le laisses parler à personne. Alors Sabir, il a dit à un moment donné, il a dit, je jure par Allah que ce que j'avais dans ma tête, c'est parti. Ça veut dire, je suis guéri. Ça y est. Hein? Alors Abu Moussa, il a écrit à Omar ibn al-Khattab, il lui a dit, ça y est, Hein, il a juré maintenant, et je crois qu'il dit vrai. Donc, je pense qu'on peut le laisser maintenant se mélanger, parler avec les gens. Donc, ça, c'est une partie de la narration. Sinon, il y a d'autres exemples aussi qui ont été rapportés à propos de Sobir, de cette histoire-là. Il y en a plusieurs. Donc, ça, c'est juste pour nous apprendre, en fait, la façon dont, comment Omar, il a géré ce genre de personnes, avec ce genre de personnes. Il a dit, وروى حماد ابن زيد عن قطن ابن كعب سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان خلته ابن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ ابن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. Il dit, ils ont trouvé, c'est rapporté avec la chaîne de transmission, qu'ils ont vu dans la ville de Basra un Sabir ibn Asl. Il dit, il était comme un âne qui avait la lèpre. C'est-à-dire, il parlait à personne, il se mélangeait à personne. Et il s'assoyait dans les hilaq, les endroits où les gens apprenaient la science. Et quand il s'assoyait, yani il connaissait personne. Mais il apprenait la science. Et certains même ont rapporté parmi les ulama que lorsqu'il est mort, il était devenu un savant. Hein? Justement, à force d'avoir concentré ses efforts sur la science bénéfique et s'être écarté des choses futiles ou des choses qui sont moins importantes. Hein? Il a concentré ses efforts sur les choses plus fondamentales. Il est devenu un alim. Et il dit Warawa Hamad ibn Yazid, Hamad ibn Zayd, Aydan, An Yazid ibn Abi Hazim, An Suleyman ibn Yasar, An Rajulan min Bani Tamim, Yuqalu lahu Sabir, Qadim al-Madina, Fakanat indahu Kutub, Faja'ala yas'al an mutashabih al-Quran. فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ قال ومن وأنا عبد الله عمر يعني عمر بن الخطاب ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب ما كان ما كنت أجد في رأسي. أي نعم. Donc ça c'est des narrations à ce sujet de Sabir ibn Usl qui mentionne justement les choses qui se sont passées avec lui. On va s'arrêter ici aujourd'hui parce que on approche de l'heure de la salat. Et puis on continuera la prochaine fois, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va?